Jodi a ou ap souri, bagay ou demen pou soufri. Nan poche chaje la jan, ou te rase pa tro lontan. Problème, tan pase, gen ou kontan, jou a boule. Dade ou poule pa kenchon Ou jenou sou pran plesi Sonje ou gen mou geyi Gen problem, tan avase Gen kontan, jou a poule Ou pat sote pou fe Tou bagay se pou yon tan Se kon sa Yo jou fòk li bese Qui tient le match.